cours numéro 9. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mada akhadna fi d-dars al-sabiq? C'était quoi le sujet de notre d-dars précédent? Tfaddal. Na'am. Shahadatu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. ما الدليل على هذه الشهادة؟ حديث صحيحين أن البني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم il a cité les cinq piliers de l'islam et le premier pilier شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما معنى هذه الكلمة؟ C'est quoi le sens de cette شهادة عندك؟ ولا يعبد الله إلا بما شرع. نعم. الشيخ ابن عثيمين il avait fait une précision par rapport à هذا. الشيخ ابن عثيمين il avait démontré أن هذا c'est اللازم في الحقيقة. C'est ce que ça implique. وإلا فالمعنى. الشيخ ابن عثيمين il a cité quoi? تؤمن. هاه؟ لا. نعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس الجن والإنس et ça implique هذا تصديقه فيما أخبر et tout ce que Cheikh Hafiz il a cité. ما معنى قوله تصديقه فيما أخبر؟ Ça veut dire quoi cette phrase تصديقه فيما أخبر؟ لا تصديقه بما أخبر. نعتقد أن ماذا جاء به. نعم. Tout ce que le prophète صلى الله عليه وسلم nous a informé, c'est حق. تصديقه فيما أخبر. الخبر, c'est خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم nous a informé sur le jannah, sur le nar, sur يوم القيامة, sur le Messie الدجال, sur des messagers avant lui. Ce qui va se passer après lui, les signes de la fin des temps, tout ça c'est akhbar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nusaddiqo. On n'a pas le droit de refuser. Limada li anna nabi sallallahu alayhi wa sallam yatakallam bil wahi. Wal imtithal wal inqiyad lima amar. Ça veut dire quoi cette phrase? Wal imtithal wal inqiyad lima amar. Al imtithal wal inqiyad, c'est qu'on applique les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a ordonné de faire salat, il nous a ordonné de respecter les voisins, il nous a interdit de mentir, la médisance. Fal-inqiyad, on doit se soumettre. Et on doit observer ses obligations et s'interdire et s'écarter de ses interdits. C'est ça l'inqiyad ou l'imtithal lima amr. Et ça c'est l'amal. Et l'amal bi sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc si on croit que c'est le Rasoul et on a la conviction que c'est le Rasoul, ça doit impliquer, on le croit dans tout ce qu'il nous a rapporté alayhi salatu salam. Kadhalik, on applique ce qu'il nous a ordonné d'appliquer, on s'écarte. Qal wal kaf wal intiha amma naha anhu min al maharim wal atham. Al imtithal wal inqiyad, c'est appliquer ses ordres. Wal kaf wal intiha amma naha anhu wa zajar, ay s'écarter de ce qui nous a interdit. Wattiba' shari'atihi, suivre sa sunna. Et cette shahada, elle nous démontre que on doit bien sûr prononcer, bien sûr avoir cette croyance qu'on a citée, annahu sirrasoul, on doit le croire, on doit l'aimer. Tout ça, ça doit impliquer l'ittiba', aïe de le suivre. Ma dalil ala hada? والله غفور رحيم احسنت قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى il l'a envoyé pour qu'on le suive et il l'a envoyé pour le jami al-ins wal-jin pas que pour l'arab كذلك il l'a envoyé c'est pas pour qu'on fête son anniversaire ou on accroche son nom sur des murs ou autre là c'est un mode de vie ittiba' et on doit faire passer l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant nous-mêmes. avant nos enfants, avant nos proches. C'est pour ça que si l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam il est contredit par un autre, on n'a pas le droit de suivre cet autre. On doit revenir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فتحقيق هذه الشهادة, comprendre cette shahada, la mettre en application, faire des efforts, ça facilitera et ça ouvrira les portes à celui qui fait des efforts pour suivre sunnat al-Nabi alayhi salatu wassalam. قال شيخ حافظ نكمل رحمه الله فهو صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع وَيُتَّبَعْ فَنَشْهَدْ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Souvent, dans les textes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est cité بِهَذَيْنْ أَلْوَصْفَيْنْ. Souvent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est cité avec ces deux caractéristiques. أَنَّهُ سَنْ عَبْدْ et أَنَّهُ سَنْ رَسُولُ. Et ça, c'est important. بعض العلماء يقولون أن ces deux choses, c'est les piliers de cette shahada. أَنَّ مُحَمَّدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عبد ورسول. Qui c'est qui nous répète les deux piliers de la ilaha illallah? حتى on mélange pas. الإثبات والنفي. C'est les deux piliers de la shahada. أن لا إله إلا الله. Personne ne mérite d'être adoré sauf Allah عز وجل. Les deux piliers de la deuxième shahada, أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le premier pilier, أنه سعبد. Et ça c'est important. Hatta on tombe pas dans l'exagération, comme hasala lil ba'd. Comme les chrétiens ils ont fait avec Isa alayhi salatu wassalam. Annahum ils ont exagéré hatta abdou. Enfin pour eux c'est plus un abd. Pour eux c'est un ilah. Wa hadha kufrun billahi azza wa jalla. Amma nahnu al muslimun, nous en tant que musulmans, wa lillahi alhamd, on a cette croyance, cette conviction أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سعبد. C'est un bachar, c'est un être humain. Et on n'a aucun doute أنه سأفضل البشر. وأنه سيد ولد آدم يوم القيامة. أنه c'est le meilleur des êtres humains. أنه c'est le dernier des prophètes. لكن on n'a pas le droit d'adorer. Et on n'a pas le droit de croire qu'il mérite l'adoration. نعوذ بالله. Et on n'a pas le droit de croire أنه يتصرف في الكون. لا, tout ça c'est من أوصاف الله عز وجل المستحق للعبادة المتصرف في الكون الإله الرب المحيي المميت. Donc en tant que musulman, notre croyance أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سعبد, c'est un être humain et c'est un serviteur d'Allah عز وجل. Deuxième pilier, أنه سرسول. Et ça كذلك بعض الناس ils ont pas donné le حق à ce رسول, ils ont pas cru en lui. Ils l'ont insulté, ils se sont moqués. Qu'al Yahoud, wa al-Mushrikin, wa al-Kafara. Annahum, ils l'ont accusé. Et ba'dahum, ils ont prétendu que ce n'était pas un rasoul clairement. Fa nahnu, kadhalik, on s'écarte de ha'oula. Enfin, on croit que c'est un rasoul. C'est un être humain, lakin Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a élevé avec un risala. Enfin, le juste milieu. C'est un abd et c'est un rasoul. Qala Sheikh al-Fawzan, hafidahullah. Dans sa risala ma'na shahadatayn, et c'est une risala tayyiba, elle ressemble à cette risala. Arkanu shahadati anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam huma qawluna abduhu wa rasuluh wa huma yanfiyan al-ifrat wa al-tafrit. Al-ifrat wa al-tafrit, l'exagération et كذلك son contraire, l'insulter, l'accuser, ne pas lui reconnaître son rang, alayhi salatu wassalam. Annahu c'est afdal al-bashar, c'est le meilleur des êtres humains et c'est un messager. At-tafrit fi haqqihi sallallahu alayhi wa sallam fa huwa 'abduhu wa rasuluhu wa huwa akmal al-khalq fi hatayn as-sifatayn ash-sharifatayn. C'est le meilleur des messagers, c'est le meilleur des êtres humains. Lianna nahnu kadhalik, on est des ibad. On est tous des ibad. حتى الكافر سعبد. C'est Allah qui l'a créé, c'est Allah qui lui donne, c'est Allah qui lui a donné la vie, etc. Enfin, on est tous des ibad. لكن النبي صلى الله عليه وسلم c'est أفضل العباد. قال ومعنى العبد هنا. Et ça c'est important. Souvent on dit أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Mais ça veut dire quoi العبد؟ قال حفظه الله المملوك العابد. Al-Mamluk, Et c'est une créature parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a le mulk, c'est Allah. Tabaraka alladhi biyadihi al mulk. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le malik. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est mamelouk. Et il fait partie de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Abid. Donc, il est créé, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, c'est une créature. Et كذلك, il adore Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est un ins et il adore Allah subhanahu wa ta'ala. Bel, c'est l'être humain qui a adoré le plus et le mieux Allah subhanahu wa ta'ala. C'est afdal al-ibad, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. قال شيخ البوزان أي أنه بشر مخلوق مما خلقه مما خلق منه البشر. أساسا رد على بعض الضلال من الصوفية أنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم était créé de lumière. Ils ont beaucoup de خرافات في هذا. Et tout ça c'est du كذب. النبي صلى الله عليه وسلم il fait partie de أولاد آدم. C'est un enfant d'Adam عليه الصلاة والسلام. Il a été créé comme les autres êtres humains ils ont été créés. يجري عليه ما يجري عليهم كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم il est tombé malade, il dormait, il a souffert pour certaines choses, il a eu des douleurs, il mangeait, il buvait. C'est un بشر. كما قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم سورة الكهف. À la fin Allah subhanahu wa ta'ala يقول هذا قل أي يا محمد dis-leur يا محمد innama ana basharun mithlukum, je suis un être humain comme vous. Ça c'est ma'na al-'abd, annahu sa'abd, c'est un être humain. Wa ma'na ar-rasul al-mab'uth ila an-nas kaffa bid-da'wati ila Allah bashiran wa nadhira. Et c'est ça la ma'na de ashhadu anna Muhammad ar-rasulullah, annahu c'est un rasul li jami' ila jami' an-nas wa al-ins bal wal-jin alayhi salatu wassalam. قال وفيها وفي الشهادة بهاتين الصفتين نفي الإفراط والتفريط في حقه صلى الله عليه وسلم. Ça c'est طيب. Ça montre le juste milieu. أنه سعبد سرسول. فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط في حقه وغلا فيه. Beaucoup de ceux qui prétendent le suivre et l'aimer, ils ont exagéré. حتى بعضهم والعياذ بالله il l'adore. Il lui demande. Ils pensent que le prophète sallam il peut leur répondre, il peut leur donner, il peut les guider. Et tout ça c'est du shirk billahi azza wa jal. Li anna al-ibada c'est haqqun lillah. An-nabi sallallahu alayhi wa sallam c'est un 'abd, il adore Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas le droit d'avoir une croyance annahu il mérite l'adoration ou une adoration. Qala hatta rafa'ahu fawqa martabat al-'ubudiyyah comme ils ont fait an-nasara fi 'Isa. Ils ont exagéré et ils se sont égarés. Hatta ils ont élevé Isa alayhi salatu salam. Kadhalik Isa c'est un abd et c'est un rasoul. Hatta ils ont exagéré et ils ont dit Isa c'est le fils d'Allah azza wa jal. Ba'dhum ils l'adorent. Ils pensent que c'est lui Allah. Na'oudou billah. Fal hadhar min hadha. Aimer une chose, aimer une personne, aimer un prophète, aimer notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lakin il faut faire attention à l'exagération. والشيطان كثير من الناس اللي زيغار من هذا الباب بعض الناس الشيطان يسيك ان تل يلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن il essaie de l'égarer avec l'amour du prophète صلى الله عليه وسلم. Il commence par fêter son anniversaire, ثم quand il rend visite à sa tombe il lui demande, ثم il a une عقيده ان النبي صلى الله عليه وسلم il a été créé de lumière, ثم عياذا بالله ربما il pense que c'est النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف في الكون. C'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui gère, qui donne, qui enlève. Et tout ça, c'est du kufr. Fal-hadr. Al-hadr, Iblis, il a des asalib par rapport aux personnes. Al-Yahoud ou al-Nasara, ils se sont égarés clairement. Ils détestent notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils n'ont pas cru en lui. Et ils l'insultent, ils se moquent. D'autres, ils ont aimé et ils aiment notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lakin, ils se sont égarés. Les ma'adha, les annahum, cet amour, il n'est pas limité avec al-Sharia, avec les textes. قال والبعض donc tu as deux extrémités. Une extrémité non ils ont exagéré comme ils ont fait an-nasara bi al-masih. Un autre extrême قال والبعض الاخر جحد رسالته او فرط في متابعته. نعم. Et d'autres imma ils ont renié annahu sa rasoul alayhi salam, imma ils reconnaissent que c'est un rasoul lakin ils ont des faiblesses et dans beaucoup de choses ils suivent plus ar-rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ça dépend. Ça dépend du cas de la personne. Celui qui renie Allah sans Rasoul, il n'y a aucun doute que c'est un kafir. Billahi Azza wa Jal. Et celui qui délaisse la sunna, lakin, il reconnaît que ça fait partie de la sunna, lakin, il a des faiblesses. Enfin, ça dépend de la chose qu'il délaisse. Et on a déjà détaillé plusieurs fois. Falwasat, le juste milieu. C'est un abd et c'est un rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est afdal al-bashar. Et on doit l'aimer plus que nous-mêmes, plus que toutes les autres créatures, alayhi salatu wa sallam. Qala Cheikh Hafiz. فهو صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. Donc c'est un abd, on n'a pas le droit de l'adorer. Lui-même c'est un abd, lui-même il a adoré Allah Azza wa Jal. كذلك c'est un rasoul, on n'a pas le droit de nier, de mécroire. C'est un rasoul عليه الصلاة والسلام. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. بل يطاع ويتبع فنشهد أنه عبد الله ورسوله شرفه الله بالعبودية ونوه بوصفه بها في أشرف مقاماته. Et ça c'est un tambih طيب de Cheikh Hafiz rahimahullah. Anna le fait de qualifier anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam c'est un abd, c'est un serviteur, c'est pas un rabaissement, na'oudhu billah. بل Allah subhanahu wa ta'ala dans des moments, dans des endroits où il y avait un énorme bienfait pour le prophète sallam, il l'a appelé abd. Ta'ammal qawlahu azza wa jal, qala Cheikh Hafiz, fa qala ta'ala subhana alladhi asra bi'abdihi laylan. Al-Isra. Quand le Nabi sallam s'est déplacé la nuit de Mecca jusqu'à Bayt al-Maqdis, al-Isra, thumma al-Mi'raj. Ça c'est une fadila azima pour notre prophète Mohammed sallam. Ça fait partie des miracles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce moment, il l'a appelé abd. Ou en parlant de ce moment, il l'a appelé abd. Qala wa qala ta'ala fa awha ila abdihi ma awha. Kadhalik, en parlant de l'wahi. Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam abd. Tout ça, Cheikh Hafiz a cité là pour montrer que c'est pas un mal, c'est pas un ravissement. Abadan, ben c'est quelque chose de azim d'être qualifié de Abdullah. C'est pour ça que les meilleurs noms, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abdullah et Abdurrahman. Pourquoi? Parce que c'est des noms qui montrent Al-Ubudiyya lillahi azza wa jal. Qala, wa qala alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi al-kitab. Kadhalik, nuzul al-kitab al-wahi, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité al-wahi et il a appelé son prophète sallallahu alayhi wa sallam abd. وقال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله كذلك عبد إلى غير ذلك وقد شهد تعالى بالرسالة فقال الله سبحانه وتعالى يتمون et il a dit في كتابه العظيم et il a démontré أن le prophète محمد صلى الله عليه وسلم c'est un rasoul. قال عز وجل فقال والله يعلم إنك لرسوله. C'est une shahada azima pour notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala ta'ala Muhammadun Rasulullah. Wa qala ta'ala wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Wa qala ta'ala rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi. Wa qala ta'ala qala 'adhabi yusibu bihi man asha'u wa rahmati wasi'at kull shay. Fa sa'aktubuha lilladhina yattaquna wa yu'tuna az-zakat. والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. الله سبحانه وتعالى قال الذين يتبعون الرسول أي لا كاليفيه دو رسول النبي الأمي. النبي سي واضح سي ان بروفيت سي ان ميساجي الأمي. الأمي والذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب. الأمي سي celui qui n'écrit pas et la yaqra al-maktoub, et il lit pas. Les ulama, بعضهم ils ont précisé la yaqra al-maktoub li anna al-qira'a ça peut être la récitation. Amma Nabi sallam il récite. La chek il a récité le Coran alayhi sallam. C'est pour ça que afdal c'est de dire la yaqra al-maktoub. Ay, il savait pas lire ce qui est écrit. Amma lire bi ma'na la récitation, la chek anna Nabi sallam afdal man tala hadha al-Quran. Donc c'est un rasoul, c'est un nabi, et كذلك أمي. Ils ne savaient pas lire et ils ne savaient pas écrire. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Et ça, ça montre إلحاد وكفر اليهود والنصارى. أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم, il était annoncé dans leur livre. Et كثير منهم, quand le Nabi صلى الله عليه وسلم, il était à Mecca ou quand il est venu à la Médina, كثير منهم, ils savaient, ils ont reconnu que c'était un Rasoul. C'est pour ça que في hadith, un Yahoudi a posé des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des questions qu'il n'y a qu'un Nabi qui peut connaître. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, il savait que c'était haq. Lianna, ces choses, il les avait lues dans son livre, At-Tawra. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, lakin, ta'lamoun kibr al-Yahoud. Tout ça pour vous montrer, non, ils savent. Et ils savaient, Allah, c'est un Rasoul, avec ses awsaf, avec son comportement. Lakin, ils espéraient que ce dernier messager, ça soit un des leurs. Quand ce messager, Allah subhanahu wa ta'ala, les hikmatihi, il a fait que ça soit un arabe, min al-arab, fa kathir minhum, ils n'ont pas cru. Iyadan bila asabiyya, ça montre anna ta'assub, l'entêtement, le nationalisme, ça fait du mal. Ad-din, c'est le haq. Tout ce qui est fondé sur le haq, on doit accepter. Fa hadha ar-rasoul, il n'a pas été envoyé que pour al-arab, que pour les arabes. Là, c'est un rasoul pour le jamia. Et Allah subhanahu wa ta'ala, hikma, il a fait que ça soit min al-arab. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a élevé l'arab B. Et c'est une ni'ma. Lakin, ne pas croire li annahu, il n'est pas de sa nationalité, na'oudou billah. Qala azza wa jal, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith. Le Nabi sallam, il est venu pour nous montrer le tariq. C'est pour ça que le Nabi sallam, tout ce qu'il nous a ordonné, c'est pour notre bien. As-salat, al-hajj, al-tawhid, al-aqidah, ne pas mentir, s'écarter de la médisance, s'écarter de l'injustice, tout ça c'est pour notre bien. Alayhi sallallahu alayhi, il nous a interdit des choses comme l'alcool, comme les drogues, tout ça c'est pour ton bien, ayyuhal abd. Amma ba'd al-dhullal, il pense que cette religion, l'islam, c'est une injustice, ma'adallah. Annahum, ça les prive de certaines choses. Naam, ça vous prive de al-hawa, de vos passions. Amma, celui qui veut le haqq et celui qui veut le huda, alhamdulillah, ce din, il est, c'est une rahma. Qala wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal-aghlal allati kanat 'alayhim falladhina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu. La fin du verset est muhimma. Ta'ammalu falladhina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu. Ceux qui ont cru, après avoir cité quelques caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jalla lui montre à ceux qui croient. Wa azzaruh, ay ayyaduh, ils l'ont soutenu. Wa nasaruh, ils l'ont secouru avec leurs biens, avec leurs propres personnes. Wa tabi'u an-nur alladhi unzila ma'ah, et ils ont suivi cette lumière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a emmené bi idnillahi azza wa jalla, ay al-Qur'an et sa sunna. Ulaika humul muflihun, c'est ceux-là qui réussiront. Ça te montre anna le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas été envoyé pour qu'on fête son anniversaire, pour qu'on écrit son nom, on accroche son nom dans des cadres. C'est pas ça le but. Le but, c'est al-iman. Qala azza wa jal, falladhina amanu bihi, al-iman, annahu sa rasul. Kadalik, on l'aime, ça fait partie de l'iman. Kadalik, on fait passer sa parole avant celle des autres. Amma, on témoigne anna Muhammad al-Rasulullah, thumma une sunna claire, on la délaisse parce qu'un tel il ne la fait pas. Ça, c'est un dha'af, fil iman. وعزروه كذلك on le soutient et on déteste ceux qui se moquent de lui. أما واحد يتمون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كافر il se moque de lui, il dit il est libre, la tolérance. هذا, il peut contredire sa shahada, il s'en rend pas compte. عياذا بالله, كيف il est libre. أين محبتك أين نصرتك للنبي صلى الله عليه وسلم. بل نحن, ceux qui font ces caricatures, qui se moquent, يطعنون النبي, نبغضهم في الله. Et نعتقد أنهم يسون في ظلال بعيد. قال واتبعوا النور الذي أنزل معه. كذلك الاتباع. Faire des efforts. On a tous des faiblesses. On a tous des manquements. لكن le but, notre intention, ça doit être de le suivre. Et on fait des efforts. Et on s'entraide. في هذا. أولئك هم المفلحون. Celui qui veut réussir, Allah سبحانه وتعالى, dans la fin de ce verset, il résume le chemin pour réussir. الإيمان. ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتأييد النبي صلى الله عليه وسلم والاتباع أي suivre son din, c'est ça الفلاح. Et al-khusran, c'est ne pas croire, ne pas secourir hadha nabi, ne pas le suivre. C'est ça tariqatu al-khusran. Donc tu veux être heureux, ayyuha al-abd, tu veux réussir, tu veux le jannah, Allah subhanahu wa ta'ala il t'a montré le tariq. Imanun wa tamassukun bis sunnah wa nusrat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, aimer ce qu'il aime, détester ce qu'il le déteste, c'est ça tariqatu al-falah. Al-falah il est fi sunnah, il n'est pas inda al-kafara. قال الشيخ حافظ ونشهد بعموم رسالته إلى الناس جميعا جنهم وإنسهم تقدم معنا dans le معنى. كذلك on a la conviction أن الله سبحانه وتعالى il a envoyé ce rasoul pour tous les êtres humains et pour tous les djinns. Pas comme ils ont compris certains égarés. Les juifs ils ont leur messager, les chrétiens ils ont leur messager, les musulmans ils ont leur messager. Les Yahoud ou les Nasara ils ont combattu les messagers d'Allah Azza wa Jal. Imma ils ont exagéré comme ils ont fait Al-Nasara, ils ont adoré Isa. Imma ils les ont combattus comme ils ont fait Al-Yahoud, ils ont combattu les messagers. Al-Yahoud ou Al-Nasara, ceux de notre époque, ils ont suivi leurs messagers. Abdan. Al-Nabi sallam, il a été envoyé pour Al-Jami'a. Qala Azza wa Jal, qala Allah ta'ala, qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaykum jami'a, alladhi lahu mulku samawati wal ard. لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Le verset précédent, أولئك هم المفلحون, et ce verset, لعلكم تهتدون. Tu veux la guider? الإيمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم والاتباع. Ça te montre أن الإيمان, ça doit impliquer des œuvres, اتباع. Enfin, celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, ça doit le pousser à suivre. Je crois, mon cœur il est blanc, la foi c'est dans le cœur et il ne fait aucun effort. Il n'est pas à la tariqat al-falah ou al-huda. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. المسلم doit avoir cette عقيده أن اليهود والنصارى qu'ils ont pas obéi à notre prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, ils ont pas cru à notre prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, ils ont pas voulu suivre le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, on a la conviction, la croyance أنهم ils sont من أهل النار et أنهم c'est des kuffars. On n'a pas le droit de faiblir في هذا. بعض الناس الآن on arrive à une période, ils n'arrivent plus à dire c'est des kuffars. Ils disent c'est des non-musulmans. C'est un kafir. Mujrim, mulhid. Lakin, ba'dahum, ils ne peuvent plus. Limada, li'annahum, ils ont hada al-marad fi qulubihim. Bel, ba'dahum, ils prétendent que les Yahoud ou les Nasara, c'est des croyants. Innama al-mu'minuna ikhwa, yaqulun. Comme a dit Azza wa Jal, il cite ce verset. Les croyants sont des frères. Il est où ce hadith qui démontre أن اليهود والنصارى qu'ils ont pas cru au prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, c'est pas des croyants. Est-ce qu'un croyant il va rentrer fin nar éternellement? عياذا بالله. Ça vous montre أن أهل الأهواء ils prennent من الأدلة ce qui correspond avec leur passion. C'est nos frères et ils prennent les textes où Allah سبحانه وتعالى cite les croyants. Ou ils citent أهل الكتاب qu'ils ont cru, لكن ils ont cru en leur messager. Et ils ont cru en tous les messagers. Et s'ils seraient avec nous, ils auraient cru au prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Ils prennent les textes, les Ahl al-Kitab, les gens du livre qu'ils ont cru, et ils essaient de les appliquer à Ha'oula. Ha'oula. Alladhina wasafahum Allah subhanahu wa ta'ala, annahum ils sont ashar min al-dawab. Adhal min al-dawab. Ils sont pires que les animaux, et ils essaient de faire croire annahum ils sont min Ahl al-Iman. وقال وقد أخذ الله عز وجل ميثاق النبيين على الإيمان به فقال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم قال وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. آية عظيمة أن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على جميع النبيين. Tous les messagers, tous les prophètes, ils ont cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour transmettre le message que les messagers ont transmis avant lui. قال الشيخ حافظ ونشهد أن كل عامل بعد بعثته على خلاف ما بعث به ما بعث به صلى الله عليه وسلم لن يقبل منه مثقال ذرة ولو عمل لأن الله بعثه بدين الإسلام ونشهد أن كل عامل بعد بعثته على خلاف ما بعثه به صلى الله عليه وسلم أي on doit avoir la conviction que celui qui œuvre أي après la venue du prophète صلى الله عليه وسلم il veut se rapprocher d'Allah Azza wa Jal avec une chose que le prophète صلى الله عليه وسلم ne nous a pas démontré son amal il est batil Allah il accepte pas de lui ça nous montre un pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala t'es obligé de suivre le prophète صلى الله عليه وسلم et on avait cité les choses qui impliquent cette shahada wa an yu'bad Allah bima shara adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم والله تعالى يقول ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين même s'il veut le bien. Wahid il se dit, je veux me rapprocher d'Allah Azza wa Jal, mais pas en suivant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, iyadun billah. C'est un kafir. Même s'il prétend suivre un messager avant. Les messagers avant et les prophètes avant, ils ont cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont annoncé sa venue. Enfin, celui qui vient après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est obligé de le suivre. Et de croire en lui. Mais celui qui veut un autre din, c'est pas un musulman. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد celui qui se rapproche d'Allah عز وجل avec un amal que le prophète صلى الله عليه وسلم il a pas fait son amal il est mardoud il est pas accepté c'est pour ça que cet exemple qu'on vient de al-mawlid al-nabawi بعضهم ils prétendent que ça fait partie de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour eux c'est une ibada, ben c'est une ibada azima, et ils ont fait de l'exagération, hatta ils ont rendu ce jour, c'est un Eid, mais amal il n'est pas maqboul, abadan. S'il est ignorant, il n'est pas maqboul, mais s'il a été conseillé, et il s'entête, il est athim, et il a fait une bid'a, et un nabi sallallahu alayhi wa sallam, kullu bid'atin dalal, ça ferait partie de notre din, un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'aurait montré. Il aurait montré à sa famille, à ses compagnons, de fêter sa naissance. Kayf Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, il n'a pas montré ce soi-disant khayr. Ça montre que ce n'est pas un khayr, comme on a expliqué dans la kalima qu'on avait faite. Wa nashhad annahu sallallahu alayhi wa sallam lam yatawaffahu Allahu azza wa jal hatta akmala lana bihi ad-din wa balagha ma arsalahu bihi al-balagh al-mubin wa lam yatruk khayr illa dalla al-umma alayhi wa arshadahum ilayhi. كذلك ستعقيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم il est mort et le din il était complet. C'est important d'avoir cette croyance. Il y en a celui qui rajoute après la mort du prophète صلى الله عليه وسلم c'est comme s'il prétend que le prophète صلى الله عليه وسلم il n'a pas montré. Si le prophète صلى الله عليه وسلم il n'a pas montré comme il prétend بعض الجهال même s'ils ne le disent pas avec leur langue لكن le fait de faire une chose que le nabi صلى الله عليه وسلم il n'a pas fait ça va impliquer des choses graves. Pourquoi il ne nous l'a pas montré? Celui qui ne montre pas une chose, imma il ne connaît pas cette chose, c'est un jahl. Donc ceux qui font des bid'ah, c'est comme s'ils disaient que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a ignoré cette chose, et nous on va la faire pour vous montrer ce bien. Et ça c'est grave. Et fil haqiqa, celui qui dit ça, c'est grave, c'est du kufr. Lakin, eux ils disent pas ça, lakin, al-bid'ah ça implique hada. C'est pour ça que le bid'ah c'est très grave. Deuxième chose, celui qui fait une chose que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas faite, c'est comme... S'il prétend que Nabi Sassim connaissait cette chose, Nabi Sassim il ne l'a pas propagé. Pourquoi? Nabi Sassim c'est un rasoul. Allah il l'a envoyé pour propager, pour montrer. Donc c'est grave. Imma, une accusation d'ignorance, imma, une accusation de ne pas montrer, de cacher, yadam billah. C'est grave, al-bid'a. Nous on a cette croyance, le Nabi Sassim il est mort, il nous a tout montré. Kama qala azza wa jal, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé ce verset, ça fait partie de la fin de la révélation que Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a reçu avant de mourir. Il y a eu des versets après ce verset, lakin ça fait partie des derniers. Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre din, il est complet. Alimad a rajouté, est-ce qu'on a accompli toutes les sunnahs, toutes les obligations, hatta on rajoute, est-ce qu'on a des doutes pour rajouter, est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas rempli sa mission, hatta on rajoute, iyadam billah, c'est grave. Alimad a dit ولم يترك خير خيرا إلا دل الأمة عليه وأرشدهم إليه ولا شرا إلا حذرهم منه. Le bien que tu as besoin, Nabi sallallahu alayhi wa sallam il te l'a montré. Le mal, il te l'a montré. Nous, on n'a plus qu'à suivre. C'est pour ça que certains salaf, certains compagnons, minhum ibn Mas'ud, كانوا يقولون اتبعوا ولا تفتدعوا. Suivez les tibas, Et n'innovez pas à l'ibtida. Faqad kufitum. Faqad kufitum. Et la révélation, elle vous suffira. Celui qui fait des bid'ah, ka'annahu, il n'est pas convaincu ka'annahu, ça ne lui suffit pas. Il faut qu'il rajoute. Qala wa nahahum an wa tarakahum ala al-mahajjati al-bayda laylaha ka nahariha la yazighu anha illa halik. وقد أنزل الله عز وجل في حجة الوداع التي هي آخر اجتماعه بالناس اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وفيها خطب ذلك الجمع العظيم وقال في خطبته تلك ألا هل بلغت؟ قالوا نعم قال اللهم اشهد ثلاثا يرفع إصبعه إلى السماء وينكثها إلى الناس اللهم اشهد الحديث في الصحيحين. En tant que musulman, en tant que mu'min, comme ceux qui étaient présents à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont assisté à ce sermon, à cette khutbah, fi hajjat al-wada, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, le verset il a été révélé ce jour-là, yawm arafa. C'était hajjat al-wada, le seul hajj que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait l'umrah, mais le hajj il a fait que ce hajj. C'est le hajj avant qu'il meure, l'année avant qu'il meure. Le verset il a été révélé, yawm akmaltu lakum dinakum, ay Allah il a parachevé le din, il est complet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une khutba et il a levé son doigt et il disait hal ballaght qalu na'am, est-ce que j'ai transmis? Ils ont tous dit na'am. Qala allahumma ashhad, il a pris comme témoin Allah azza wa jalla. Fa nahnu kadhalik, est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a transmis? Na'am, on est satisfait wallahi na'am. Pourquoi rajouter? C'est pour ça que tu trouves les sahaba, ils n'ont pas fait de bid'ah, ils étaient convaincus, ils aimaient le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ils étaient convaincus, ils l'ont suivi. Tu ne trouveras pas un sahabi qui a fait une bid'ah abadan. Fa pourquoi le bid'a al-an kathira? Pourquoi beaucoup de bid'a al-an? Parce que هذا اليقين, cette suffisance, cet amour, il y a des faiblesses. C'est pour ça que certains se sentent obligés de rajouter. An-Nasara, ils ont fêté Noël, on est obligé de fêter la naissance de notre prophète. On n'a pas besoin de هذا نحن, notre din wallahi alhamd, il est complet. On a deux fêtes et elles nous suffisent wallahi alhamd. Inch'Allah, on finit le prochain cours jeudi, bi'idnillah. Jeudi, on finit la lecture, Baqiya Qalil, et on récapitule. Et Inch'Allah, comme je vous avais dit, on citera les annulations de ces deux shahadas, bi'ikhtisar, en résumé, nawaqid al-islam. Naktafi bi hadha al-qadr. Hayyakumullah.